tiens sur le chemin. Sa musique est un son divin précis. Nom de Jésus, Seigneur Jésus, béni soit ton nom. La force est en Christ,

parlé. Jésus t'a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voie, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Sauvé, je ne me glorifie qu'en Jésus-Christ. Pour la terre et le ciel, ma vie, c'est Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, choses mortelles, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelles, vers Jésus-Christ. Bientôt à Dieu, choses mortelles, loin de vous, je prendrai des ailes vers les demeures éternelle, vers Jésus-Christ. 113. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, mon sauveur bénis-moi. Fais silence en mon cœur, Seigneur Jésus. Fais silence en mon cœur. Viens et me parle. Ô mon divin sauveur, viens et me parle, ô mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi, Seigneur Jésus. Rends-moi conforme à toi, divin modèle, mets ton image en moi, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur Jésus, rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, que je parte en vainqueur, pour ton service. service, pour ton service, que je bats ton vainqueur. Et quand tu reviendras, Seigneur Jésus, et quand tu reviendras, bonheur ici-bas jusqu'au bout, jusqu'au jour.

Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme, que tout à moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout ma soit détruit en moi. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps. Prends mon corps et prends mon âme. Sanglante, où tu t'es donné pour moi. Mon âme émue et tremblante, ô Jésus, je livre à toi. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. C'est du maître. Service, je ne garde rien pour moi. Sur l'autel sacrifice, je me place par la foi. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur, c'est du maître, c'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. À la gloire, à la gloire, au bien du monde, je renonce pour jamais. Que le Saint. Que le Saint-Esprit m'inonde de ta joie et de ta paix. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. C'est de mettre. C'est de mettre tout mon être. À tes pieds, Seigneur, si ma faiblesse est bien grande, ta force est plus grande encore. Ô Jésus, qu'elle me rende fidèle jusqu'à la mort. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. Le parfait bonheur. C'est de mettre. C'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Ô félicité suprême. Ta grâce est mon bouclier. Et

péché. Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré à cette heure. Viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, blanc, plus blanc, blanc. Ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple, je puis croire. Quand toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Pardon qui m'apportait, j'ai